Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, on entreprend le chapitre 4. On va le voir tout en 20 minutes. Donc, on ne perdra pas de temps. Hein? Notre Père du ciel, ce chapitre nous donne une vision de toi. Ta parole nous dit de ne pas faire d'image taillée pour te représenter. Mais ici, dans une vision apocalyptique, Jean décrit ce qu'il voit dans des termes très, très symboliques. Aide-nous à, je peux dire, ressentir par les vérités que tu vas nous donner ta présence. Et j'espère, mon désir, c'est qu'à la fin, on puisse adorer avec les quatre êtres, avec les 24 dehors, avec Jean, celui qui est assis sur le trône. Amen. Donc, on va lire ensemble le chapitre 4. N'essayez pas d'interpréter les petits détails, mais essayez de voir l'ensemble de la vision de Jean. Chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis de yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui et est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Gloire et honneur et puissance à celui qui a créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est toute une image, toute une vision. Donc, on va essayer de décortiquer ça un petit peu. Mais on va voir l'ensemble. Je ne veux pas m'arrêter sur les détails parce que pour moi, ça nous enlève ce que Dieu veut ou ce que Jésus veut créer en Jean, dans son cœur, dans son intelligence, dans sa pensée. Celui qui parle, premièrement, ce qu'on voit au verset 1, c'est il dit, J'ai entendu une voix, la voix de celui qui m'avait parlé au verset 1, Jésus. C'est lui qui avait une voix de trompette. Il dit, c'est Jésus qui me parle. Et il me dit, viens ici et je te montrerai ce qui doit venir dans la suite. Il dit, viens, je vais te montrer ce qui va arriver dans l'avenir. Pour moi, l'avenir, c'est à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des temps. À partir de Jean jusqu'à la fin des temps. Il ne va pas montrer juste le dernier petit bout de l'histoire du monde, de l'Église, mais il va dire, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps, à partir d'aujourd'hui, vers l'avenir. Et il dit, aussitôt qu'il a eu dit ça, je fus saisi en esprit, comme dans chapitre 1. Il fut saisi en esprit sur l'île de Patmos et eut la vision de Jésus. Il est encore sur l'île de Patmos. Il n'est pas sorti de là, là. Et il est saisi à nouveau et il est transporté dans un endroit, dans le ciel, on pourrait dire, dans la présence de Dieu, tout du moins. Il dit, il me transporte et là, quand j'arrive à cette place-là, je crois que ça pouvait être instantané, hein, il voit un trône, un immense trône. Et il y a toute des choses qui se font autour du trône. Donc, Jean reçoit cette vision-là, décidée par Dieu, voulue par Dieu. C'est Dieu qui décide de révéler l'avenir. Dieu ne va jamais se soumettre à l'homme, puis dire, moi, Dieu, je veux connaître l'avenir, je veux savoir ce qui se passe. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative et il dit à Jean, viens ici, je vais te montrer l'avenir de l'Église et du monde dans lequel tu vis. Quand il arrive là, il voit ce grand trône-là. Merveilleux trône. Qui aurait pensé de décrire Dieu comme ça? Personne. Personne. Personne n'aurait pensé. Quand je vois des images de Dieu en guillemets par les hommes, là, c'est des petits vieux avec la barbe blanche. Hey, c'est toute une histoire de vouloir peindre ce que Jean a vu. Il dit, il voit un grand trône, et celui qui, là, il décrit comme des pierres précieuses, du jaspe et de la sardoine. Et le trône est environné d'arc-en-ciel, comme de l'émeraude. Belle vision, plein de couleurs. Et là, ce qu'il voit, autour du trône, et celui qui est assis sur le trône, il dit, il voit 24 vieillards assis autour du trône, avec sur 24 trônes. Donc, il y a un ensemble. Le mot 7, le mot 12, chez les Juifs, c'est un ensemble de quelque chose. Il dit, je vois 24 trônes, comme on voit. 12, 12 tribus, 12 portes, 12 fois 12 pour les murailles. C'est toujours par des symboles de 12 ou de 7. Il dit, j'ai vu 12 trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards. Il y a toutes sortes d'interprétations ici qui, selon moi, sont bien trop complexes. Tout ce que j'en dis, c'est qu'il y a des êtres dans le ciel. Pour moi, c'est des êtres angéliques. Mais il y a des êtres dans le ciel qui sont décrits comme des vieillards, qui sont décrits comme des hommes sages, qui sont importants, puis qui ont une couronne sur la tête. Et ces vieillards-là sont autour du trône. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est tout ce qu'ils voient. Ils sont là, puis ils font face au trône. Et des éclairs sortent du trône, je veux dire, sortent des éclairs, des grosses voix, des coups de tonnerre. Dieu parle! Parce que c'est ça, hein, c'est une voix. Il parle. Et devant le trône, il y a sept lampes qui sont des sept esprits de Dieu, encore une fois. Donc, ce trône-là représente Dieu. Il y a autour du trône 24 trônes qui se tournent vers Dieu et Dieu s'adresse à ces gens-là. On va voir les éclairs, les voix, les coups de tonnerre. C'est toujours Dieu s'adresse. C'est le symbole de la. Dieu parle. Et tout autour de ce trône-là, au verset 6, il y a une grande mer de cristal transparente. Et là, il dit, il voit autour du trône. Au milieu du trône, ça l'entoure tout le trône. Je sais pas comment ce qu'il fait pour voir le trône, mais ça bouge à l'entour du trône. Il y a quatre êtres qui représentent, selon moi, la création, les hommes, les animaux, les oiseaux, ça représente la création. Et ces quatre êtres-là qui sont remplis de yeux et qui ont six ailes, remplis de yeux, ils voient Dieu. Pour moi, les yeux, ils représentent que tous ces êtres-là voient Dieu. Ils contemplent Dieu. Ils perçoivent Dieu. Dieu s'est révélé à eux, puis ils le contemplent. C'est ça que je crois que le texte est en train de dire. Qu'est-ce qu'ils font les 24 béats quand ils voient Dieu? Qu'est-ce qu'ils font les quatre êtres vivants quand ils voient Dieu? Les autres, ils ont une bonne vision de Dieu. Ils ont une vision parfaite de Dieu. Ils comprennent bien Dieu parce qu'ils sont remplis de Dieu en avant, en arrière, partout. Les yeux, c'est fait pour regarder, c'est fait pour voir. Je crois pas que le texte m'encourage à penser que ces êtres-là voient le monde dans lequel je vis. Mais je crois qu'ils sont autour du trône. Ça fait penser un petit peu à la vision d'Ésaïe, hein? Ésaïe a vu un grand trône avec des êtres remplis d'ailes, avec des ailes qui se cachent les pieds, qui se cachent la face, puis ils crient. Il y a la même chose ici. Verset 8, qu'est-ce qu'ils font ceux qui voient Dieu? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui contemplent Dieu? Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ceux qui voient Dieu, ceux qui contemplent Dieu, ceux qui sont autour de Dieu, dans sa présence immédiate, ils adorent. Saint, Saint, Saint, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, qui vit éternellement. Oh, moi, des fois, ma compréhension de Dieu n'est pas parfaite. Hein? Bien des fois, elle n'est pas parfaite. J'ai de la misère à cause de tout ce qui se passe dans ma vie. Je perçois pas toujours Dieu. Puis dans le monde, où ce que Jean vivait, l'Église avait peut-être de la misère à comprendre que Dieu régnait. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, quand le déluge est venu, Dieu était sur son trône, et il faisait ce qu'il voulait. Dieu n'avait pas perdu les pédales à cause que le monde était en train de se détruire par le déluge. Et ce que la vision nous dit ici, je crois. Oui, ma chère Église, oui, mon cher Jean, c'est pas à cause que le monde est plein de difficultés, de tribulations et de persécutions contre vous. C'est pas à cause que vous mourrez par milliers que j'ai perdu les pédales. Je suis assis sur mon trône et je contrôle tout. Et les gens qui sont autour de moi, les êtres qui sont autour de moi dans l'Apocalypse, dans le ciel, eux autres voient très bien qui je suis et ils m'adorent. Il m'adore. Moi, le Saint, Saint, Saint. Ce que j'ai compris dans la langue originale, la répétition marque la grandeur, marque l'importance, l'amplitude. Saint, Saint, Saint. Il répète ça éternellement. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Le mot était, est et vient, c'est éternel, hein? Il a toujours existé, il a toujours été là. Et pendant que les quatre êtres vivants rendent honneur et gloire, rendent action de grâce à Dieu, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils le font au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'ils font les 24 déans? Ils se joignent aux quatre. Ils se prosternent face contre terre devant le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne en disant, Tu es digne, Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles sont créées. Donc les 24 déans se joignent à l'adoration des quatre êtres vivants. Et comment est-ce qu'ils démontrent leur adoration? Parce que je crois que personnellement, toutes ces choses-là, dans la réalité, sont des esprits. Sont des esprits. Donc les esprits n'ont pas de corps, n'ont pas de cheveux, sont pas vieux, puis ont pas de... C'est des esprits. Mais ici, il décrit dans des mots humains ce qu'il voit par la grâce de Dieu. Et ces vieillards-là se jettent face contre terre devant le trône. Ils adorent Dieu au siècle des siècles et ils jettent leur couronne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de régner. Tu es digne de recevoir de nous et de l'Église. C'est ça qu'il veut faire dire. Église, peu importe ce que tu vis, Église, peu importe ce que tu vis, Jean, peu importe ce qui se passe dans le monde, adore-moi. Continue à m'adorer comme le font ceux qui sont dans le ciel. Nous sommes dignes, moi le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous sommes dignes de régner dans le ciel. Nous sommes dignes d'adoration, de louange. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe ce qui se passe sur la terre, je suis digne que vous m'adoriez. Ne me rejetez pas à cause des difficultés. Mais dans les difficultés, arrêtez-vous. Relisez le chapitre 4. Tombez sur vos faces. Jetez-moi toutes vos couronnes que vous avez et adorez-moi. Parce que je suis digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai créé toutes choses. Et c'est moi qui les tiens existantes. C'est moi qui contrôle tout ça. C'est moi qui est la providence de toutes choses. Le Seigneur de tout cela. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu contrôle dans sa souveraineté suprême et divine et infinie. Il contrôle autant les injustes que les justes. Il contrôle autant l'Église que le monde. Il contrôle autant le monde que l'Église. Dieu n'a pas perdu contrôle. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez bien voir que Dieu a contrôle de tous les ennemis d'Israël. Et c'est pour ça que Nabucodonosor, quand il s'est vanté d'avoir le contrôle et d'avoir les grandes armées et d'avoir conquéri les pays, Dieu le frappe. Puis il dit, imbécile! T'as pas compris que c'est moi qui t'utilisais? T'as pas compris que c'est moi qui t'ai donné toutes ces victoires-là? T'as pas compris que c'est moi qui t'avais donné toutes ces richesses-là? Que c'est moi qui contrôle toutes choses? Que le Seigneur nous donne, dans les moments les plus difficiles de notre vie, quand c'est sombre, qu'il fait noir, et qu'on a de la misère, et que les événements sont difficiles. Lisons le chapitre 4 de l'Apocalypse et adorons. Vous allez voir, ça a un effet très bénéfique sur nos vies. Notre Père du ciel, on se courbe avec les quatre êtres vivants. On se courbe avec les 24 veillards. Parce que les autres, ils te voient. Il n'y a aucun obstacle en eux et toi. Ils te voient face à face. Et il t'adore. Nous aussi, Seigneur, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen.